Section 57 de la lecture. Tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Zeina. La lecture. Tome 6e. Section 57. Souvenir par André Terrier. Tandis que l'hiver à ma porte se lamente, un songe m'emporte vers le gai printemps d'autrefois, et le souvenir fait revivre sur mes vitres blanches de givre nos promenades dans les bois, et sous les arcades lointaines des bouleux penchés et des frênes que berce le vent du matin. Je crois revoir l'enchanteresse qui garde depuis ma jeunesse mon cœur dans sa mignonne main. À l'époque où le muguet pousse, ô souvenance triste et douce, un jour à travers la forêt, nous cheminions, la tourterelle chantait, et mon amour comme elle, au fond de mon cœur soupirait. Nos pas erraient à l'aventure, tout autour de nous, la nature paraissait prise d'un frisson, les hêtres inclinaient leurs branches, et sur leurs tiges, les pervenches, se hausser le long du buisson. Au bord des étangs solitaires, en la voyant, les salicaires semblaient se réveiller soudain et se répéter à voix basse « Voici la jeunesse et la grâce qui s'avancent dans le chemin. » Sur la feuillée épanouie, tout à coup, une fine pluie descendit du ciel assombri et sous une hutte voisine, au toit moussu tout en ruine, nous courûmes chercher abri, pauvre demeure et pourtant chère. L'averse menue et légère, d'un bruit frais remplissait les bois. Au loin, les cloches de la ville résonnaient, et dans notre asile, le vent d'est apportait leur voix. Elles semblaient me chanter, ose, parle, et ma bouche, longtemps close, s'ouvrit pour dire que j'aimais. Aussitôt, sa main frémissante referma ma lèvre tremblante avec ce simple mot « Jamais ». Jamais, sur mon visage encore, je sens comme un feu qui dévore le contact de ses petits doigts. Jamais. Nous quittâmes la hutte. On entendait comme une flûte le loriot au fond du bois. Elle écoutait, pâle, oppressée. On devinait qu'en sa pensée, un cruel combat se livrait. Ses yeux essayaient de sourire, et nous suivions sans rien nous dire la lisière de la forêt. Jamais les bouleux et les charmes secouaient leurs branches en larmes, et les rossignols des entours modulaient dans l'ombre des chênes l'hymne des incurables peines et des impossibles amours. Fin de la section 57.